Chapitre 3e. Un crocodile et une tigresse. Tout à coup, je vis un curieux spectacle. Louison, qui marchait jusque-là d'un air indifférent et superbe, ralentit tout à coup son pas, et allongeant son beau corps, si long déjà, elle s'avança, en rasant le sol et prenant les plus grandes précautions pour n'être ni vue ni entendue auprès d'un large et long tronc d'arbre qui était étendu sur le sable au bord de la rivière McIntosh. Je marchais derrière elle, la carabine à l'épaule, toujours prêt à tirer, attendant une occasion favorable. Mais je fus bien étonné. En approchant du tronc d'arbre, je vis qu'il avait des pattes et des écailles qui brillaient au soleil. Les yeux étaient fermés et la gueule était ouverte. C'était un crocodile qui dormait sur le sable au soleil, comme un juste. Aucun rêve ne troublait ce tranquille sommeil. Il ronflait paisiblement, comme ronflent les crocodiles qui n'ont pas de mauvaises actions sur la conscience. Ce sommeil, cette pose pleine de grâce et d'abandon, je ne sais quoi encore, probablement quelque inspiration de l'esprit malin, tout parut tenter Louison. Je vis ses lèvres s'écarter. Elle riait comme un jeune polisson qui va jouer un bon tour à son maître d'école. Elle avança doucement la patte et l'enfonça tout entière dans la gueule du crocodile. Elle essayait d'arracher la langue du dormeur pour la manger en guise de dessert, car Louison est très friande. C'est le défaut de son sexe et de son âge. Mais elle fut bien sévèrement punie de sa mauvaise pensée. Elle n'eut pas plutôt touché la langue du crocodile que la gueule de celui-ci se referma. Il ouvrit les yeux, de grands yeux couleur vert de mer que je vois encore, et regarda Louison d'un air de surprise, de colère et de douleur qu'il est impossible de peindre. De son côté, Louison n'était pas à la noce. La pauvre chérie se débattait comme un diable entre les dents aiguës du crocodile. Heureusement, elle serrait si fort la langue de celui-ci avec ses griffes que le malheureux n'osait user de toutes ses forces et lui couper la patte, comme il l'aurait fait aisément si sa langue avait été libre. Jusque-là, le combat était égal, et je ne savais pour qui faire des vœux, car enfin l'intention de Louison n'était pas bonne, et sa plaisanterie était fort désagréable pour son adversaire. Mais Louison était si belle. Elle avait tant de grâce dans les formes, tant de souplesse dans les membres, tant de variété dans les mouvements. Elle ressemblait à une jeune chatte à peine en sevrage, qui joue au soleil sous les yeux de sa mère. Mais, hélas, ce n'était pas pour jouer qu'elle se tordait sur le sable en poussant des cris rauques qui faisaient retentir la forêt. Les singes, perchés en sûreté sur les cocotiers, regardaient en riant ce terrible combat. Les babouins montraient Louison au macaque qu'elle lui faisait, le petit doigt posé sur le nez et la main déployée en éventail, le geste moqueur des gamins de Paris. L'un d'eux même, plus hardi que les autres, descendit de branche en branche jusqu'à 6 ou 7 pieds de terre, et là, se suspendant par la queue, il osa, du bout de ses ongles, gratter légèrement le mufle de la redoutable tigresse. À cette plaisanterie, tous les babouins poussèrent de grands éclats de rire. Mais Louison fit un geste si prompt et si menaçant que le jeune babouin qui l'avait essayé n'osa pas la recommencer et se tint pour très heureux d'avoir échappé aux dents meurtrières de son ennemi. Cependant, le crocodile entraînait la pauvre tigresse dans la rivière. Elle leva les yeux au ciel, comme pour implorer sa pitié ou le prendre témoin de son martyre, et les abaissa sur moi par hasard. Quels beaux yeux! Quel mélancolique et doux regard où se peignaient toutes les angoisses de la mort! Pauvre Louison! Au même instant, le crocodile plongea, entraînant Louison sous l'eau. À cette vue, je me décidai. Le bouillonnement de la rivière indiquait les efforts de Louison pour se dégager. J'attendis pendant une demi-minute, la carabine à l'épaule, le doigt sur la détente, l'œil fixe. Heureusement, Louison, qui est un animal, si vous voulez, mais qui n'est pas une bête, s'était dans son désespoir accroché fortement à un tronc d'arbre qui pendait sur le bord de l'eau. Cette précaution lui sauva la vie. À force de se débattre, elle parvint à élever la tête au-dessus de la rivière et se tirer par là du danger le plus pressant, celui de se noyer. Peu à peu, le crocodile lui-même sentit besoin de respirer et, moitié de gré et moitié de force, revint avec elle au rivage. C'est là que je l'attendais. En un clin d'œil, son sort fut décidé. L'ajuster, tirer mon coup de carabine, lui envoyer une balle dans l'œil gauche et lui briser le crâne. Ce fut l'affaire de 2 secondes. Le malheureux ouvrit la gueule et voulut gémir. Il battit le sable de ses 4 pieds et expira. La tigresse, plus prompte encore que moi, avait déjà retiré de la gueule de son ennemi sa patte à demi déchirée. Son premier mouvement, je dois le dire, ne fut pas un témoignage de confiance ou de reconnaissance. Peut-être, pensait-elle, avoir plus à craindre de moi que du crocodile. Elle essaya d'abord de fuir, mais la pauvre bête, réduite à trois pattes et presque estropiée de la quatrième, ne pouvait aller bien loin. Au bout de 10 pas, je l'atteignis. Je vous avouerai, messieurs, que je me sentais déjà beaucoup d'amitié pour elle. D'abord, je lui avais rendu un grand service, et vous savez qu'on s'attache bien plus à ses amis par les services qu'on leur rend que par ceux qu'on reçoit d'eux. De plus, elle me paraissait d'un très bon caractère, car la plaisanterie même qu'elle avait voulu faire au crocodile indiquait un naturel porté à la joie. Or, la joie, vous le savez, messieurs, quand elle n'est pas feinte, est le symptôme d'un bon cœur et d'une bonne conscience. Enfin, j'étais seul, en pays étranger, à 5 000 lieues de Saint-Malo, sans amis, sans parents, sans famille. Il me sembla que la société d'un ami qui me devrait la vie, cet ami eût-il 4 pattes, des griffes redoutables et des dents terribles, vaudrait toujours mieux que rien. Avais-je tort? Non, messieurs, et la suite l'a bien prouvé. Mais pour ne pas anticiper sur mon histoire, je dois dire que Louison ne me parut pas avoir besoin d'un ami autant que moi. Quand je m'approchai d'elle, je la vis, ne pouvant se soutenir qu'à peine sur 3 pattes, se coucher sur le dos et là, attendre mon attaque en désespérée. Elle poussait le cri rauque qui lui est habituel quand elle se met en colère. Elle grinçait des dents. Elle me montrait ses griffes et semblait prête à me dévorer, ou tout au moins à vendre chèrement sa vie. Mais je sais apprivoiser les êtres les plus féroces. Je m'avançai donc d'un air paisible, je déposai ma carabine sur le sable à portée de la main, je me penchai sur la tigresse, et je lui caressai doucement la tête comme à un enfant. D'abord, elle me regarda obliquement comme pour m'interroger. Mais quand elle vit que mes intentions étaient bonnes, elle se remit sur le ventre, lécha doucement ma main et d'un air triste me présenta sa patte malade. Je sentis à mon tour tout le prix de cette marque de confiance et je regardai cette patte avec soin. Rien n'était brisé. Les dents du crocodile n'avaient même pas pénétré fort avant à cause de la manière dont Louison lui serrait la langue. Je me contentai de laver la plaie avec soin. Je tirai de ma carnassière un flacon d'alcali dont je versai 1 ou 2 gouttes sur la blessure et je fis signe à Louison de me suivre. Soit reconnaissance, soit désir d'être pansée avec soin, elle se laissa conduire et me suivit jusqu'au chariot où les 2 Malais qui m'accompagnaient faillirent mourir de peur en l'apercevant. Ils sautèrent à bas du chariot et rien ne put les décider à y remonter. Le jour suivant, nous retournâmes à Batavia. Cornelius van Crittenden fut bien étonné de me voir arriver avec ma nouvelle amie à qui j'avais donné tout de suite le nom de Louison et qui me suivait dans les rues comme un jeune chien. 8 jours après, je levai l'ancre, emmenant la tigresse qui n'a jamais cessé de me tenir fidèle compagnie. Une nuit même, dans les parages de Bornéo, elle m'a sauvé la vie. Mon brick fut surpris par un temps calme à 3 lieues de l'île. Vers minuit, comme mon équipage, composé de 12 hommes seulement, s'était endormi, une 100aine de pirates malais monta tout à coup à bord et jeta dans la mer le matelot qui tenait le gouvernail. Ce meurtre fut commis si promptement que personne n'entendit le moindre bruit et ne put défendre le malheureux matelot. De là, on courut à la porte de ma chambre pour l'enfoncer. Mais Louison dormait à l'intérieur, au pied de mon lit. Elle s'éveille au bruit et commence à grogner d'une manière terrible. En 2 secondes, je fus debout, un pistolet dans chaque main, ma hache d'abordage entre les dents. Au même instant, les pirates s'enfoncent la porte et se précipitent dans ma cabine. Le premier qui s'avança eut la cervelle brisée d'un coup de pistolet. Le second tomba frappé d'une balle. Le troisième fut jeté à terre par Louison qui, d'un coup de dent, lui brisa la nuque. Je fendis la tête au 4e d'un coup de hache et je montai sur le pont en appelant mes matelots à l'aide. Pendant ce temps, Louison faisait merveille. D'un bond, elle renversa 3 Malais qui voulaient me poursuivre. D'un autre bond, elle fut au milieu de la mêlée. Ses mouvements avaient la promptitude de l'éclair. En 2 minutes, elle tua 6 des pirates. Les ongles de ses griffes pénétraient comme des pointes d'épée dans la chair de ses malheureux. Quoiqu'elle perdît son sang par 3 blessures, elle n'en paraissait que plus ardente à la bataille et me couvrait de son corps. Enfin, mes matelots arrivèrent, armés de revolvers et de barres de fer. Dès lors, la victoire fut décidée. 1 20aine de pirates furent jetés à l'eau. Les autres s'y jetèrent eux-mêmes pour regagner leur barque à la nage, et nous ne perdîmes qu'un seul homme, celui qui avait été égorgé d'abord. Je vous laisse à deviner si Louison fut bien pensée. depuis cette nuit-là, où elle m'avait payé sa dette, entre elle et moi, c'était la vie à la mort. Nous ne nous quittons jamais. Je vous prie donc, messieurs, d'excuser la liberté que j'ai prise de l'amener jusqu'ici. » Je l'avais laissé dans l'antichambre, mais le portier l'aura vu, aura pris peur, aura fermé la porte et fait sonner le tocsin pour venir à votre secours. Tout ceci, monsieur, dit doucement le président, n'empêche pas que par votre faute, ou par la faute de mademoiselle Louison et du portier, nous avons passé l'après-midi dans la société d'une bête féroce et que notre dîner en sera refroidi.